Littérature, théâtre, danse, cinéma, exposition, musique, performance, graphisme, architecture, création sonore, philosophie, linguistique, écologie, science, on parle de toutes les cultures dans Rien à voir quoique sur Campus FM 94 FM. Bonjour et bienvenue dans Rien à voir quoique sur Campus FM, ou en replay, où vous voulez, quand vous voulez. Nous sommes le jeudi 3 mai et il est 18h. Bien, comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas Anna qui animera cette émission aujourd'hui, mais moi-même, puisque Anna est absente cette fois-ci, et pour cause, elle est au festival audioscénique Bruit, à Nantes, la Vénarde. Ce soir, nous recevons donc Hugo Florent, stagiaire à Campus FM depuis un mois et demi. C'est lui notamment qui a réalisé les portraits Capture Labo que vous avez pu entendre ces dernières semaines. Hugo sera donc notre invité d'aujourd'hui et nous présentera deux de ses productions radiophoniques. La première est un reportage sur le déroulement d'une vente aux enchères au Crédit Municipal. La seconde, une rencontre avec l'association de jonglage Le Noyau dans la Prairie, à la Prairie des Filtres. François est à la réalisation technique de l'émission. Merci François. On est ensemble jusqu'à 19h dans Rien à voir quoique, en direct sur le 94 FM à Toulouse. Et on commence tout de suite avec l'humeur de loup, comme tous les jeudis. D'une humeur loup. Bonjour les garçons. D'abord, alors, moi, faut que je vous dise, aujourd'hui, ça va pas trop. Je sais pas ce que j'ai, je me sens un peu angoissée. Pas dans mon assiette, il y a un truc qui m'a contrariée la dernière fois. Et depuis, je me sens toute bizarre. Bon, alors, je vous raconte, du coup, j'ai appelé une amie la dernière fois pour boire un verre, discuter, tout ça, tout ça. Et elle m'a répondu, non, désolé, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alors, vous allez me dire, oui, ça y est, tu repars dans tes trucs bizarres, elle avait juste pas le temps, faut pas en faire tout un fromage, gna gna gna, t'as tout de suite, tu t'angoisses, gna gna gna gna. Et je vous répondrai que, certes, a priori, pas de quoi s'alarmer, mais là, d'un coup d'un seul, en entendant sa réponse, c'est comme si l'univers entier s'était ouvert à moi. Pause. En une fraction de seconde, tout a basculé. De quel temps parlait-elle? Le temps de quoi par rapport à quoi? Est-ce que mon temps est égal au sien? Qu'est-ce que le temps? Je me retrouve projetée dans un nuage de pluie de secondes. Et Albert Einstein qui me susurre à l'oreille « La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde !» Mais quoi par seconde? C'est quoi une seconde? Enfin, je comprends pas, moi, il peut se passer tellement de choses en une seconde, c'est horrible. J'ai l'impression que plus j'y pense, plus le temps s'écoule à une vitesse éclair. Là, mon corps commence à trembler, je me sens coincée, sur pause. Entre le passé, le temps présent et le futur, il y a des photons qui me tournent autour en balbutiant. Tu comprends pas, hein, tu comprends pas. Là, je commence complètement à phaser, et donc en pleine crise d'angoisse, je me rends sur YouTube parce que bon, faut pas se mentir, pour faire passer une petite crise passagère, rien de mieux que d'aller s'abrutir en regardant des vidéos de chats. Alors d'ailleurs, parce qu'on est entre nous, je vous le dis, moi j'adore faire ça. Je fais des trucs super bizarres. Ce que je fais, c'est que je lance une vidéo de chat qui miaule, je colle mon chat à l'ordi et je me mets à le scruter comme ça pendant de longues minutes pour voir ses réactions. Évidemment, c'est un échec total. Celui-ci a toujours la même réaction. Tu vois ce que je veux dire? On fait tout ça, c'est vrai quoi. Il me regarde, l'air de dire franchement, t'as pas autre chose à faire, t'es pathétique, puis s'en va dignement. À part terminé, je vous ai menti, j'ai pas regardé des vidéos de chat, je me suis tellement sentie oppressée que j'ai cherché des vidéos sur espèce de truc de temps là, et je suis tombée sur une vidéo où Étienne Klein, alors Étienne Klein c'est un physicien et philosophe français, qui fait une conférence et il commence en disant que l'intro va être longue, et il insiste sur le mot long, un peu comme des préliminaires ajoute-t-il, alors passons outre la blague de mauvais goût, le type met dès sa première phrase de conférence une référence au temps. Alors moi je sentais le truc m'angoisser encore plus, je décide de couper la vidéo mais YouTube me rattrape, me proposant en suggestion des vidéos aux titres aguicheurs, tels que observer sa réalité, ou le temps est-il une illusion, ou encore Macron le dynamiteur. Bon, ça avait pas trop de rapport, mais dans le délire du truc, avouez quand même que c'est flippant. Heureusement, en pleine crise d'angoisse, mon doigt a glissé malencontreusement sur la souris, et j'ai cliqué sans le faire exprès sur la chanson d'Isabelle Pierre intitulée « Le temps est bon ». Cette chanson, je vous l'avoue, m'a beaucoup calmée, alors je vous propose, chers auditeurs de Campus, de prendre un temps de pause ensemble et de l'écouter. Il s'agit du remix par Bon Entendeur, le temps est bon, tout de suite sur les ondes de Campus FM. Merci Lou. Avec plaisir. Le temps est bon, le ciel est bleu, amants sont doux, doux, doux. Je suis à eux de l'âme jusqu'à la peau. Les nuits sont longues, les jours sont chauds. Le temps est bon, la version de Bon Entendeur, une chanson d'Isabelle Pierre, avec après la chronique de Lou, un peu angoissante, due à l'absence certainement de Anna. Mais oui, c'est ça m'angoisse qu'elle soit pas là. Anna, je t'embrasse si tu m'écoutes. On espère qu'elle nous écoute. On espère. Des secrets de Titus et le dépositaire. Oh putain, c'est en vert. On parle de toutes les cultures, de rien à voir quoique. Ils sont affreux ces costumes. Sur Campus FM, 94 FM. Alors, on a tous une idée plus ou moins claire de ce que peut être le déroulement d'une vente aux enchères. On a tous déjà vu une scène plus ou moins réaliste, plus ou moins crédible, dans un film, une série. Mais qu'en est-il vraiment de la réalité ? Comment se déroule une vente de son début à sa fin et quelle est la trajectoire d'un objet entre son arrivée au guichet et le coup du marteau du commissaire priseur ? Eh bien, c'est, on l'espère, ce que l'on va pouvoir apprendre tout de suite dans ce reportage. 55, nous sommes toujours sur ordre. On coupe pas. 60 plus par mois. 60 sous au fond dans la salle. Une fois. La vente aux enchères. Deux fois. 100, c'est un principe économique et marchand extrêmement simple. Celui qui offre la plus haute enchère emporte l'objet. Le 20 avril se tenait une vente saisonnière de vin et d'alcool fin au Crédit Municipal de Toulouse. Château Margaux, Cheval Blanc, les bouteilles défilent. Du rouge surtout, quelques sauternes et de l'armagnac. Ceci étant, les ventes habituelles du Crédit Municipal, les 3e mercredi, jeudi et vendredi de chaque mois, comportent plutôt principalement des bijoux. Comme nous l'explique Frédéric Rigaud, expert de l'établissement, le système majoritaire est le prêt sur gage. On va dire de deux choses l'une. Soit la personne est venue avec l'intention d'obtenir un prêt sur gage pendant un certain temps, en l'occurrence 6 mois, et dans cet intervalle de temps, récupérer son objet en remboursant le capital prêté et les intérêts, auquel cas... La personne revient au bout d'une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois avec son contrat. Elle règle le capital prêté et les intérêts. On lui rend son objet. Soit, le deuxième cas de figure, c'est que la personne est venue avec l'intention de se débarrasser, entre guillemets, de vendre son bijou ou son objet. Auquel cas, le mieux est qu'elle le dise. Nous attendons 3 mois, c'est un délai légal, entre la date de dépôt et la date de la vente. On met l'objet, alors, à cette personne qui vient, on lui fait ce qu'on peut considérer comme une avance sur la vente, qui est le minimum qu'on lui garantit. Suite à ça, on met l'objet en vente. Après la vente, on règle la différence à la personne qui a déposé l'objet entre, alors, le montant adjugé, on note de ce montant adjugé le montant avancé et les intérêts qui auraient été dus sur le montant avancé au moment de la vente. En gros, 3-4% en général. Ainsi, selon comment se déroule l'enchère, il est possible non seulement de rembourser l'avance, mais en plus de réaliser un gain sur la vente. Prenons l'exemple du parcours qu'effectue un bijou arrivant au guichet du Crédit Municipal jusqu'à sa vente. Ah ben j'étais avec un jeune homme qui est dans la liste. Bonjour Christophe. Bonjour. Donc là, vous voyez, en l'occurrence, Christophe est allé dans une des deux cabines récupérer le premier client de la journée, m'a apporté un petit papier avec le numéro de passage, le poids. Moi, je vais vérifier, je vais faire mon expertise. Alors, en l'occurrence, pour ça, ça va être très simple, puisque ce sont des objets, des bijoux que je soupçonne en or. Je vais juste vérifier si c'est de l'or 18 carats. C'est un travail étranger, je le vois à la facture. Donc, ce que je fais, je dépose un tout petit peu de matière sur ce qu'on appelle la pierre de touche. Là. Et ensuite, je vais passer un réactif. Si ça tient, vos auditeurs ne pourront pas le voir, mais on peut juste les laisser imaginer. Ça tient. Voilà, quelques gouttes de liquide qui est un réactif. Ça n'a pas bougé. Donc, c'est de l'or. Ça pèse 8,6 g. Bon, ce sont des choses très simples. On va prêter à 15 euros du gramme. Ça va faire 130 euros à peu près, je pense. Voilà, on va prêter 130 euros pour ça. Donc, 130 euros. Christophe va aller annoncer le prêt à la personne. Donc là, vous avez une fiche avec des catégories. Oui, pour tout ce qui est bijoux, il y a déjà les catégories qui sont rédigées pour gagner un petit peu de temps. Je mets tout ça dans un petit tube qui va être expédié par pneumatique. Je donne le petit dossier avec donc la fiche d'expertise, le montant du prêt, c'est le plus important. La pièce d'identité et le justificatif du domicile de la personne qui dépose. Je le fais passer à Lise qui va taper le contrat. Après, vous pouvez, si vous voulez aller voir, elle tape le contrat. Et voilà. Et donc, vous avez un système de pneumatique pour ça intrigue toujours. C'est vrai que c'est assez amusant. Oui, parce que ça nous permet de limiter la manutention en envoyant les objets d'ici, enfin les bijoux, puisque ce système fonctionne pour les bijoux, et encore fonctionne pour les bijoux qui ne sont pas fragiles. Ça nous permet de les envoyer d'ici, du bureau des expertises, au coffre qui est situé à l'autre bout de la pièce. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, en fait, je vais vous amener. Le système fait tout un parcours. Jusqu'à au coffre des bijoux qui est situé ici. En fait, ça arrive ici. D'accord. Ça, c'est le monte-charge qui permet aussi de communiquer avec le coffre. Donc voilà, et la personne qui réceptionne au coffre est exactement ici. Voilà, elle est située comme ça et il y a le tube arrive juste derrière elle. Oui. Il y a toujours quelqu'un dans le coffre puisque en permanence, si vous voulez, on est amené à rentrer des objets et à en sortir. Parce que là, par exemple, vous avez vu, bon, on a rentré quelques bijoux. Mais en même temps, là, vous avez Yaël et Alexandrine qui sont en train de recevoir des personnes qui viennent équiper leurs intérêts, équiper leur capital et qui disent, voilà, je veux récupérer mes objets. Là, vous voyez, Lise a tapé le contrat, je le reçois. Je regarde rapidement si tout correspond, deux bagues, une chaîne, un pendentif. On a prêté 130 euros. Je le signe. Je vais mettre ce document dans le tube dans lequel j'ai mis les bijoux et je l'envoie directement au coffre. Voilà. Mais sinon, on a... Ça, c'est la salle d'exposition où, vous voyez, il y a des petites vitrines parce que quand même, l'essentiel des objets qu'on vend, ce sont des bijoux, donc ils sont tous présentés ici. Donc là, on a des vitrines qui, pour l'instant, sont vides. Qui sont vides. Il faut savoir que le 18 et le 19, il y aura aussi des ventes de bijoux. Donc du coup, les vitrines seront pleines de bijoux pour l'exposition des bijoux. Voilà. Des petites armoires, ça fait penser un peu à un musée presque. Oui, voilà. Oui, bah, je crois que c'est un peu le même. C'est du mobilier qui pourrait être dans des musées, oui. Alors sur le rôle de l'exposition. Le rôle de l'exposition, c'est de permettre aux personnes de voir les objets. Alors ils les ont en général vus en photo sur Internet, que ce soit sur le site du Crédit Municipal de Toulouse. Que ce soit sur le site d'Interenchères, c'est toujours mieux de le voir de visu, de se rendre compte de l'état, voilà. Je peux vous montrer si ça vous intéresse la salle des ventes. Ah oui, ben on va y aller si vous voulez. Comme vous pouvez le constater, tous les accès sont sécurisés. On a des. Voilà. Voilà la salle des ventes. La lumière doit être là. Bon, vous n'en avez pas trop besoin. La radio, c'est l'avantage. Voilà, la salle des ventes. Donc, elle est vide, mais bien sûr, on va installer des sièges. Ça, c'est la banque. Le commissaire priseur se tient ici. D'accord. Avec les comptables, les assistants, voilà, et le public. Donc là, on a une grande salle. Qui est notre salle des ventes, qui est vraiment la salle des ventes du Crédit Municipal, qui a été refaite cet été, qui est plutôt assez fonctionnelle et plutôt assez agréable. Pour la vente de vin, la situation est un peu différente, puisque le catalogue proposé provenait presque intégralement de la cave d'un particulier de la région qui a tenu à conserver son anonymat. Le jour même, vendredi 20 avril, une quarantaine de personnes se regroupent dans la salle des ventes du Crédit Municipal. Parmi elles, plusieurs fréquentent régulièrement ce type de vente. Yves Richir, je suis, oui, relativement habitué à des ventes aux enchères, oui. Pas spécialement ici. Hein. D'alcool fin et de vin spécifiquement. Entre autres, mais pas seulement. Pas seulement. De meubles, de décorations, de que sais-je, voilà. De livres. Qu'est-ce qui vous fait venir à une vente particulière ? C'est l'opportunité de la date, la qualité des lots présentés, le type de lots présentés. Et là, effectivement, sur cette vente-là, il y a un choix assez important, avec des lots de très belle qualité. Quoi. Et la préparation de la vente, c'est étudier le catalogue ? C'est aller voir sur Internet et regarder l'ensemble des lots avant de se décider d'y aller, voilà. Et là, il y a un objectif de refaire votre cave, de compléter, on va dire. Une cave, il y a quelques bouteilles, effectivement, qui ne sont pas des bouteilles de Bordeaux, mais qui sont des bouteilles de vins étrangers ou de la vallée du Rhône ou de Bourgogne. Et puis quelques alcools type Armagnac, donc voilà, des choses intéressantes. Vous attendez à un peu de compétition sur cette terrain ? Bah vraisemblablement, parce que les ventes aux enchères en fait, de vins et spiritueux sont relativement rares. Donc dans la salle, vous avez en gros deux types d'acheteurs. Vous avez les amateurs. Bon, avec vraiment beaucoup de connaissances du vin et donc des amateurs qui peuvent mettre un certain prix. Et puis vous avez aussi des restaurateurs, parce que les restaurateurs dans les bons restaurants, on a une très bonne cave et en général ils viennent chercher dans ces ventes aux enchères de quoi compléter également leur cave. Donc effectivement la concurrence est rude. Les acheteurs les plus novices peuvent, eux, compter sur la pédagogie du commissaire. Au début de la vente, depuis l'estrade, comme un professeur dans un amphithéâtre, Maître Labarbe expose les règles du jeu. Bien, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Alors, on va commencer les deux municipales du vent de feu. C'est pas très habituel, on va dire. Donc, une vente de vin. Les conditions de la vente sont les suivantes. Donc, les frais de vente sont de 14-40% PTC pour les personnes non inscrites. Eh bien, il suffit simplement de donner votre pièce d'identité au premier lieu d'acquisition et on vous enregistre, on vous délivre également une plaquette pour enchérir. On n'enregistre pas la plaquette à la fin de la vente, on la rend. Ce n'est pas un souvenir de vente, hein, la plaquette, hein, je signale. Donc, voilà, est-ce que vous avez des questions à poser éventuellement? Non, on a des habitudes, je vois, c'est très bien. Donc, vous avez la liste sous les yeux. Eh bien, nous commençons. Donc, nous commençons pour l'eau de bouteille à 70 euros et c'est pris sur ordre. L'expression « sur ordre » utilisée par le commissaire correspond à un ordre d'achat qu'il a reçu préalablement à la vente. Pour des acheteurs et acheteuses qui seraient intéressés sans pouvoir venir le jour même, il suffit d'indiquer au commissaire le prix maximal d'achat possible et il réalise l'enchère lui-même. Sans se priver parfois de plaisanter sur ce point. Le 113, 3 Louis Barton 2005, et on démarre à 150 et c'est pris. À 150. Ouais. 180, pardon. 180, nous sommes 10, 200 par mois. 200, nous sommes pour le Louis Vuitton 2005. 200 une fois. 220. 220 euros. Une fois. Deux fois. 230 en salle. 240 par mois. C'est tellement bon. 240. Est-ce qu'on couvre l'enchère? Non, une fois. Deux fois. Avec 240, on achète numéro 8. Lot suivant, même lot, j'y prenera tout de suite à 240. On va pas se prendre la tête. C'est pris. Est-ce qu'on couvre l'enchère 240 euros? Personne. Une fois. Deux fois. Hein? 250. Je me trompe encore un petit coup. 260. 260. Non mais c'est les copains, ce sont des vrais buveurs. Il faut bien que... C'est pas pour le revendre demain. C'est 260, nous sommes une fois, deux fois. On s'en va juger. Vente la plus impressionnante du jour, c'est deux bouteilles de Château Pétrus 2005. Deux petites bouteilles de Pétrus, Gaillon de Pétrus, pardon. De Pétrus 2005, caisse bois d'origine, Bagoulot. Gaillon preneur à 4000 et deux bouteilles. Ça calme. Pour l'instant, c'est pas... 4000 en bouton des deux bouteilles de Pétrus, c'est pris à 4000. Les deux. Est-ce qu'on peut en jouer de 4000 euros pour les deux bouteilles de Pétrus 2005? 4050, attention. 4120, attention là. 4150. 4300. Ah. Ouais. C'est impatient. 4350. 4400. 4500. 4500, nous sommes à ma gauche, plus en live. Personne en salle. 4500 à ma gauche, une fois. Deux fois. 4500 à ma gauche, téléphone 7. Enfin, pour celles et ceux qui seraient tentés par l'expérience, Frédéric Rigaud a un conseil pour les débutants et débutantes. Moi, le conseil que je peux donner, c'est que c'est quelque chose de très simple. La vente est publique, donc elle est vraiment ouverte à tout le monde. Il faut insister là-dessus. C'est pas comme au théâtre. Vous arrivez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez. Donc, vous n'êtes pas obligé d'arriver à 2 heures au début de la vente et d'attendre la fin de la vente. Il suffit de rentrer et de sortir sans trop vous faire remarquer, bien entendu. Et le mieux, c'est quand même d'arriver, d'observer pendant 10 minutes et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous n'avez pas à parler, il suffit juste de lever le doigt quand vous souhaitez enchérir et c'est le commissaire priseur qui parle à votre place. On s'imagine toujours qu'il y a des gens qui sont au fond de la salle, qui font des petits signes. Bon, ça peut arriver, mais c'est pas la majorité. La majorité des gens viennent, assument ce qu'ils achètent, lèvent le doigt, ils en veulent plus, ils baissent le doigt. C'est très simple. Ajoutons que, contrairement à votre radio Campus FM, le vin, comme tout autre alcool, est à consommer avec modération. Deux fois. 90, monsieur, qu'il y a une plaquette ? Oui, dans l'autre sens, monsieur. Voilà, 107, bien sûr. La vente aux enchères. Bien. Marco 70. Étiquette tachée, légèrement dégradée, haut épaule. Un reportage produit et réalisé par Hugo Florent pour Campus FM. Pour ce Marco 70. 110 plus par mois. Thank you. avoir quoique en direct, on écoutait Them Don't Come Again de Femi Cutty. Et pour information musicale, Femi Cutty sera en concert à Toulouse le 15 mai au Bikini. Chers auditeurs, nous revoilà dans les studios de Campus FM. Nous sommes avec Hugo Florent qui a réalisé le reportage que nous venons d'entendre. Bonsoir. Hugo, bonjour, oui. Tu es stagiaire à Campus FM depuis un mois et demi, Hugo. Tu es étudiant en Master 2 de journalisme à Sciences Po Toulouse. Ce qui t'intéresse dans le domaine, ce n'est pas seulement le journalisme radio, mais également le journalisme écrit, puisque tu as réalisé juste avant un stage à Courrier International. Pour Campus FM, tu as déjà réalisé plusieurs autres émissions radio, comme nous l'avons dit, et cette fois, tu as choisi de nous faire connaître le déroulé d'une vente aux enchères. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce milieu, Hugo ? Alors, l'objet vente aux enchères m'intéressait d'abord parce que j'aime beaucoup les sujets à angle économique et que c'est un processus économique qui m'intéresse beaucoup de voir des gens qui sont prêts à mettre 4500 euros dans une bouteille. Et, de Pétrus, oui. Voilà. Mais ce qui est au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que ils sont prêts à mettre 220 euros dans un château Margaux et pas 240. Donc il y a un moment où ils doivent sentir eux-mêmes très précisément où ça s'arrête. Et ça, quand on est, toi qui as assisté à la vente, est-ce qu'on comprend justement pourquoi 220, pourquoi de... Alors il faudrait voir individuellement avec chaque personne, mais on voit très bien les gens hésiter, on voit quand même les gens presque lever la main et puis finalement dire non, faire comme ça des hésitations, des non. Et en plus de ça, ce qui m'intéresse aussi, c'était d'avoir ce son, alors le son emblématique du maillet qui est tapé sur la table, l'adjudication. Mais, et puis les 50 à gauche, 50 à droite, je me représentais ça. Et puis ça m'intéressait de voir, comme tu disais, on a tous une image mentale de ce à quoi ça peut ressembler et ça m'intéressait d'aller voir à quoi ça ressemble vraiment. Et donc, justement, est-ce que c'est assez proche de ce que tu imaginais ou pas ? Alors, c'est beaucoup plus simple que ce que j'imaginais. C'est pour ça que j'ai laissé Frédéric Rigaud parler à la fin, donner son conseil en disant que c'était simple. Parce que oui, effectivement, c'est beaucoup de responsabilité de lever la main parce que d'un coup, on est à la tête de l'enchère, etc. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui rentrent, des gens qui partent, des gens qui sont pas là depuis le tout début. Et c'est un échange avec le commissaire. Donc, on entend assez bien que le commissaire essaye d'instaurer une ambiance assez détendue, assez, et donc il y a une espèce de... Et ça, je m'y attendais pas, je m'attendais à un truc un peu plus formel, en fait. C'est ça, c'est étonnant, parce qu'on voit que c'est extrêmement simple, effectivement. Il suffit juste de lever la main, on a besoin d'une pièce d'identité, une carte bancaire, et puis finalement... Il y a un compte bien approvisionné, oui. Mais c'est vrai que je pense qu'on comparé à ce qu'on peut entrevoir de ce truc-là, ça a l'air assez ludique, en fait. Alors que moi j'en avais plutôt une image genre d'un truc assez froid où personne parle trop, alors que là on entend des petites blagues, c'est plutôt agréable en fait. Tout à fait. Après on peut imaginer que ça dépend aussi des ventes, parce que là on était sur une vente assez particulière, ouais. Donc du coup du crédit municipal, et puis là c'est une vente assez joyeuse aussi, parce que c'est pas une vente, une liquidation judiciaire non plus, ou ce genre de choses. Donc là on est vraiment sur des gens qui sont là par un intérêt commun, ils connaissent la même chose, le même domaine, etc. Donc c'est plus sympathique, quoi. Restaurateur ou particulier, comme on a pu le voir justement dans le cadre de cette vente de vin. Pour revenir au début de ton reportage, donc avec cette rencontre avec l'expert du crédit municipal, on a le sentiment, j'avais le sentiment en écoutant le reportage, que toutes les salles étaient assez reliées et resserrées, donc entre la salle de vente qui nous présente à la fin et le coffre, et donc j'avais le sentiment que tout le mouvement, tout était fait pour que le trajet et le mouvement des objets précieux étaient réduits au maximum. Alors je sais pas si c'était une impression d'auditeur après coup, ou si c'était aussi le sentiment que toi tu as pu en avoir en allant sur place. Tout à fait. Alors déjà de toute façon il y a aussi le rôle du montage qui joue, qui change un peu le temps, hein, justement la perception du temps, hein, là pour le coup, dans la vente aux enchères aussi, hein, puisque là sur le château Pétrus j'étais obligé de raccourcir un peu, la durée de l'enchère elle-même était légèrement plus longue Mais en tout cas, dans la visite à laquelle j'ai eu droit, oui, on se rend compte que les choses sont très près les unes des autres, et puis que l'organisation est très bien pensée. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de stockage, d'archivage, puisqu'ils sont obligés de les garder, un certain nombre de temps avant de pouvoir le mettre en vente éventuellement, ou même si la personne veut le récupérer. Et donc, là, on voit aussi, là, on l'a pas trop entendu, mais ils ont aussi une salle des coffres pour les bijoux, ils ont des salles dédiées à chaque type d'objet. Il y a une salle qui fait antiquité, des tableaux, des instruments de musique. Il y avait même un vélo. Voilà, donc c'est des choses qu'on retrouve comme ça. Et effectivement, oui, c'est optimisé en fait pour limiter les manipulations au maximum d'objets. Et on est frappé par la rapidité de l'expertise, justement, en quelques minutes. C'est de l'or, ça vaut tant, et la personne repart avec le montant, c'est très rapide. Ouais, tout à fait, ça c'est quelque chose qui m'a assez surpris de voir que finalement authentifier un bijou, c'était parce que il a l'habitude et il l'a fait en me parlant en quelques secondes, oui. Ouais. Mais justement, donc, est-ce que on a le cabinet d'expertise, le lien avec le commissaire-priseur, la salle des ventes, il y a un lien direct entre ces différentes... Alors justement, le commissaire-priseur, donc là, qui était Maître Labarbe, et donc on dit maître aussi pour un, c'est ce que j'ai appris à cette occasion, on dit maître aussi pour un commissaire-priseur, comme un notaire, un huissier, un avocat, ne fait pas partie du crédit municipal. Lui-même, il a une étude à Saint-Aubin, donc avec d'ailleurs sa propre salle des ventes aussi sur place, qui n'a rien à voir. Et là, il venait une espèce de guest star en plus, comme ça, pour cette vente événement particulière de vin. Mais lui-même, non, n'est pas rattaché, ne dépend pas du crédit municipal directement. D'accord. Donc en gros, il est appelé en plus, quoi. Voilà. Ok. Toi-même, tu es connaisseur en vin, en spiritueux ou non ? Absolument pas. Absolument pas. C'est ça qui m'intéressait de voir aussi, parce que pour moi, c'était assez exotique. Je maîtrisais pas. Moi, je sais pas faire la différence entre un Bourgogne et un Bordeaux. Et donc c'était ton choix particulier d'aller sur une vente de vin ou ça aurait pu être autre chose ? L'occasion a fait le larron, puisque j'ai regardé un peu les plannings de vente qu'ils avaient, j'ai vu qu'il y avait cette vente de vin, et en regardant de plus près, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qu'ils faisaient une fois tous les 6 mois, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en profiter. Certes, ouais. Et donc t'as pas été tenté par les bouteilles dans non, de non, Pétrus, non, alors j'avais de temps en temps, je voyais que du coin de l'œil, le commissaire me voyait avec mon petit micro, et parce que je levais mon micro pour qu'on entende mieux, et je voyais qu'il repérait du coin de l'œil le mouvement, et il lui fallait une seconde pour vérifier que j'étais pas en train de ce qui m'arrangeait d'ailleurs, parce que c'était tendu quand même. Ah ouais, non, j'avais toute confiance pour qu'on confonde pas le micro avec une plaquette, mais j'ai fait attention à pas passer pour un acheteur. Parce que oui, chacun a une plaquette, c'est ça, c'est ce qu'on entend là. Il appelle chaque personne avec des numéros. Une petite plaquette en plastique, ouais. Mais donc, cette plaquette aussi minimise complètement tout rapport de l'acheteur, et c'est hyper silencieux en fait. Il y a peu de bavardage dans l'assemblée. C'est ça. Il y a un petit peu de discussion au début entre deux, etc. Et on entend les gens s'échanger, rire aux blagues. Mais ce qui m'a frappé aussi, c'est que c'est un peu une ambiance d'amphi, quoi, de fac, parce que oui, très attentif. Parce qu'il il a une estrade comme ça. Il est un peu en hauteur. Il a toute la salle devant lui. Les gens lèvent le doigt pour se signaler sans bruit. Et c'est lui, c'est vraiment le commissaire-priseur qui gère les interactions dans la salle. Alors de temps en temps, il y a effectivement une petite plaisanterie qui est échangée, mais il y a eu une fois aussi, parce qu'il y a cette histoire des achats, des ordres d'achat, où le commissaire s'implique lui-même dans l'enchère, et il y a eu de temps en temps un ou deux acheteurs qui pestaient un peu du fait qu'il y ait cet ordre d'achat, et ils auraient bien voulu avoir le... Tout à fait, ouais. Parce qu'en plus, eux, ils peuvent pas, du coup, c'est plus compliqué, parce que le commissaire est forcément dans une position avec plus d'informations qu'eux, et puis c'est lui qui déclenche le chrono final. Donc c'est un peu déséquilibré de cette manière-là. Oui, et d'un autre côté, si toi tu veux aller acheter une bouteille, tu fais un ordre d'achat auprès du commissaire, tu auras un maximum que tu vas donner à l'avance. Tu vas dire, si le prix dépasse 120, j'en veux plus. Et comme tu ne seras pas dans la salle, tu ne pourras pas te dire, les autres ne sont pas motivés. Il te manquera aussi des informations. Tu vois, c'est, mm-hmm. c'est, c'est pas les mêmes informations que tu auras, et donc ça te pénalise d'un autre côté en fait. Et il y a des personnes, il y a une possibilité justement d'être en vidéoconférence par exemple, je sais pas, ou au téléphone, on voit des fois, j'ai déjà vu des scènes comme ça où on a des gens au téléphone. Tout à fait. Il y avait une personne, donc il y a la salle bien sûr, il y a internet, il est avec un de ses associés qui l'aide et qui regarde le live sur internet, et les téléphones, donc il y a une personne qui gère plusieurs téléphones, et là on l'a vu d'ailleurs, le château Pétrus est parti, il y a une personne au téléphone, mais oui. Donc ça veut dire aussi que le commissaire priseur, il a géré un peu quatre espaces, donc entre l'ordre d'achat, la salle, internet et le téléphone, et il gère tout ça en même temps, mais effectivement oui, il y a tout à fait par téléphone, oui. Et est-ce que le commissaire priseur, justement, tu as pu le rencontrer, peut-être pour lui poser des questions sur l'organisation, justement, d'une vente, comment lui-même reçoit les objets? Alors, malheureusement, je n'ai pas pu aller lui parler. C'était plus ou moins prévu, mais je me suis rendu compte que lui-même, il est tout le temps en déplacement, en fait, à droite et à gauche, dans toute la région, même dans le monde entier. Là, je voulais avoir Maître Labarbe, c'était pas possible pour une question de gestion d'agenda, mais enfin oui ça m'aurait intéressé de voir l'organisation. Après en l'occurrence les bouteilles étaient stockées par le crédit municipal qu'ils avaient obtenu donc de cette personne là que j'ai pas non plus pu rencontrer. On m'a tout de suite dit la personne qui vendait sa cave en fait pendant cette enchère, dont provient 95% des bouteilles de cette enchère, souhaitait rester anonyme, et ça c'est parfaitement en fait possible de dire moi je veux pas qu'on sache d'où viennent, enfin que c'est moi qui donne les bouteilles. Alors nous avons eu donc on a bénéficié de beaucoup de conseils sur les vins dans ton reportage. Est-ce que on peut avoir des conseils de ta part sur la création d'une production radiophonique? Comment tu amènes ton sujet? Comment tu fais pour rencontrer pour te dire bon ben là je vais mettre en place d'abord cette interview et puis voilà, comment tu penses ça à l'avance ou pas? Comment on réfléchit à voilà la création radiophonique? Bon, la première chose, moi j'ai réfléchi du coup avec un bagage un peu journalistique avant une question technique radiophonique, et sur le côté journalistique la première idée c'est quels intervenants et intervenantes je vais avoir, et donc là il faut repérer des personnes qui vont pouvoir me répondre, et donc je me suis fait une liste. Je savais que à la base je voulais avoir un des experts du crédit municipal, etc. Donc je suis allé voir le crédit municipal qui a une personne chargée des relations publiques extérieures, donc Élise Manant, qui m'a accueilli, avec qui on a eu un échange en fait pour fixer un rendez-vous, donc avec Frédéric Rigaud que j'ai pu avoir, et ensuite je savais que je serais là au moment de la vente, puisque la vente est publique, il n'y a aucun souci pour entrer. Donc c'était à la fois un moment public où tout le monde peut entrer, et un moment de prise de rendez-vous en se présentant en tant que personne travaillant à Campus FM. Et après, sur l'aspect radiophonique, là, donc j'ai eu bénéficié de la formation de François, hein, qui est avec nous pour les conseils techniques et ne serait-ce que la prise de son elle-même. Et ensuite, là, j'ai eu vraiment un coup de chance, c'est que je puisse avoir une visite vraiment complète, un tour des lieux, où en fait j'ai pas fait juste une interview dans un bureau sur place avec l'expert. Il m'a vraiment fait accéder à tout. Alors je suis pas entré dans le coffre. Hey, il t'avait en mode. Le seul truc c'est que je suis pas entré dans le coffre, effectivement, mais voilà. Mais ça donne l'impression que j'ai fait des mètres et des mètres. C'était pas si grand que ça, mais enfin oui. On dirait que tout est ouvert facilement. Ouais, c'est ça qui est curieux en fait. Il y a son petit passe là. Mais sorti de ça, ouais. C'est toutes les pièces communiquent les unes avec les autres. Mmh. D'ailleurs, si on passe rue des Lois, on peut voir que le bâtiment est assez grand, mais qu'il est ouvert en fait sur plusieurs côtés, quoi. Très bien. Écoutez, donc merci Hugo Florent. On va faire une pause musicale avec Paper Girl de Super Omar. Merci. cette fois tu es parti à la rencontre du Noyau dans la Prairie, une association qui propose des ateliers et des spectacles de jonglage enflammé, au sens propre comme au sens figuré. Et on vous écoute tout de suite. Moi c'est Yacine, Mika, Perlin. Alors au tout début ça s'appelait le Noyau dans la Prairie des filtres, ce qui était très très long. Et en fait avec Yacine on a dit non mais on peut pas garder un nom aussi long quoi. Donc on a dit le Noyau dans la Prairie. Alors pourquoi le Noyau dans la Prairie? Parce que je sais plus quelle idée c'était sortie. Ah, c'était que, bah, comme on dit, ouais, Noyau dans la Prairie des filtres, c'est que ça existe depuis des dizaines d'années, c'était pas officiel. Du coup nous on a voulu garder l'esprit de ces anciens, parce que c'est quand même voilà eux qu'on commençait à baser le feu sur Toulouse. Donc on s'est dit on va essayer de garder cet esprit là. Et puis c'est quand même très beau de dire qu'un noyau qui peut germer et pousser sur et qu'on n'est pas fermé et centré sur le jonglage. Comme on a dit, il y a des gens qui veulent faire une initiation théâtre ou poésie. On est clairement ouvert à ça et c'est avec grand plaisir qu'on les acceptera. Du coup le noyau est clairement dans ça. Bah alors en fait on a ouvert l'asso ça fait 2 ans et le but de l'asso c'est d'ouvrir le jonglage au plus grand nombre et que ça soit pas fermé et qu'on enlève cette barrière de dire c'est pas possible d'en faire. On a créé des cours d'initiation qui sont gratuits, qui se passent l'après-midi comme actuellement. On vient d'investir dans plus de 2000 euros de matériel pour donc continuer nos cours d'initiation à la prairie, mais aussi maintenant les proposer aussi sur festival où on a déjà de nombreuses prestations pour cette saison. Pour l'instant, on a déjà une 20aine de dates programmées et on n'a pas encore fini le démarchage. Bon, après, il y a une précision aussi à savoir, c'est que l'asso existe depuis 2 ans, mais c'est un projet qui est né il y a 3 ans, où on faisait régulièrement des rassemblements de feu. Donc c'est après à la rencontre de Yacine et de Mika qu'on a décidé de monter ça en asso pour être plus sérieux et aussi pour avoir une assurance, avoir de quoi aussi quand on fait des prestations, un compte bancaire pour mettre un peu d'argent dessus, pour pouvoir justement, justement acheter tout le matos qu'on achète pour les initiations. On a acheté aussi du matos de feu qui sera disponible pour les adhérents, pour ceux qui veulent s'initier au feu, parce qu'on ne fait pas que l'initiation de jonglage basique. Alors initiation au feu, qu'est-ce que c'est Bah du coup, déjà en premier temps c'est aussi de savoir si la personne en a déjà fait. Si elle n'en a pas fait, c'est lui expliquer les sécurités, donc déjà d'avoir des vêtements qui sont sécu, donc pas de synthétique, rien. 100% coton. Voilà. Commencer par des figures simples. Alors si quelqu'un n'a pas commencé, on va essayer de le faire commencer sans feu pour qu'il ait conscience un peu du matos. Et surtout des figures très simples, ne surtout pas tenter des trucs compliqués parce que là c'est là où ça peut devenir un peu dangereux ou se faire peur. En soi, quand une mèche de Kevlar te tape dessus, tu vas pas prendre feu direct. C'est les parties métalliques de la grille qui peuvent être très chaudes et brûlées. Donc ça, c'est aussi à tenir en compte comme sécurité. Ce qui est très bien par rapport à venir faire nos premières flammes avec nous, c'est qu'on a aussi l'assurance de faire ses premiers pas avec des gens qui ont des centaines, voire quelques milliers d'heures de feu. Du coup, c'est une vraie sécurité autour où nous, on fait vraiment attention pour qu'il n'y ait vraiment aucun risque, tout simplement. Alors concrètement, quand vous dites feu, ça ressemble à quoi en fait? Le matériel lui-même qui est enflammé. Bien sûr, c'est ça. C'est le matériel, que ça soit staff, bolas, bâton du diable, etc. En fait, donc, c'est du Kevlar que l'on trempe dans du kerdan, donc du pétrole domestique. Il faut aussi amener les participants à comprendre que, d'accord, il y a le côté dangereux, mais il y a aussi l'effort physique, puisqu'une fois trempé, forcément, on a le poids du pétrole en plus. Donc, à prendre en compte et à ne pas être trop hâtif. Vous avez du monde qui vient, c'est des habitués, c'est... Alors on a beaucoup d'habitués. Après on est heureux de voir qu'à chaque saison on a aussi beaucoup de nouveaux jongleurs et de nouveaux aussi publics. Cette année on se tape quand même un grand boom, on a vu une différence se créer, le bouche à oreille commence à prendre forme, la com fait son effet. Les prestations aussi en festival nous permettent de diversifier notre public. On va sur une affluence actuelle, on doit être sur depuis la réouverture des soirées feu, grâce au temps, ça remonte à maintenant un mois et une semaine, on a une moyenne d'à peu près 150 personnes, l'été on peut vite grimper sur du 400-500 personnes. C'est surtout qu'il y avait une ancienne image il y a très longtemps, sur que ça soit réservé un petit peu à des bourras de choses, plein de cachets et tout ça, alors que maintenant ça a complètement changé, on se tourne plus sur un public familial, ouvert vraiment à tout le monde et qu'il y a... juste dans la jovialité et le partage. On peut jeter un coup d'œil au matériel peut-être pour... Johan, viens, tu vas pouvoir faire la présentation du secteur Massu et Balle. Alors là, on a des matos de feu, donc ça c'est des bolas de feu. D'accord. Donc on a plusieurs sortes, là c'est avec des cordes de Kevlar qui permettent de faire des boules. Donc là j'ai pas mes bolas normales qui sont des tubes. Donc ça c'est du matos qu'on fabrique nous-mêmes. Et donc c'est rattaché à une chaîne avec une petite boule au bout pour la tenir au niveau de la main. Là après t'as un staff, donc c'est un tube de métal en particulier, avec pareil des mèches qui sont fixées au bout, avec du bois emmanché dedans pour que quand on visse ça ne parte pas. D'accord. Ça, c'est du matos que j'entretiens depuis 4 ans que j'ai acheté quand même. Ça, c'est du matos que j'ai fabriqué. Ça aussi, c'est du matos que j'ai fabriqué. C'est compliqué d'associer ça avec, par exemple, une musique, de faire une sorte de mise en spectacle. Oui, une mise en spectacle, bien sûr, ça va être plus compliqué. Mais après, juste, je pense que je parle au nom de tout le monde. Quand on jongle, tu jongles avec une musique. Ça t'aide. En fait, le jonglage, il faut savoir que c'est même pour le bien-être spirituel, c'est recommandé parce que ça nous permet de faire le vide dans l'esprit. Et du coup, si tu as une musique, c'est encore mieux. Des fois, tu peux t'enfermer dans ta bulle, mais tu oublies un peu tout, tous les tracas quotidiens et tu vis l'instant présent et c'est vraiment ça qui est très plaisant. Donc après, c'est chacun va donner le temps qu'il faut. Moi, je sais que quand j'ai touché un staff, j'ai de suite kiffé. J'en ai fait pendant un an, 6 à 8 heures par jour. Je suis devenu vraiment fou de ça. Mais comme on dit, voilà, si je suffis pas, t'as pas besoin de mettre autant de temps pour acquérir et pour t'amuser en fait. Et aussi, la musique avait influencé selon la musique que toi tu vas choisir, ton rythme, ton inspiration dans la création de tes routines, donc tes enchaînements de mouvements, dans quelle ambiance tu es, est-ce que ça va être plus aérien, est-ce que ça va être plus un peu dans la vitesse, un peu plus brutal. Ça va accompagner en fait ta recherche, ça en fait clairement partie. Ton choix musical va se faire par rapport ou amener à la recherche que tu cherches dans ta chorégraphie. Rencontre avec le noyau dans la prairie, réalisé par Hugo Florent pour Campus FM. Voilà, on est retour dans les studios. Vous pouvez retrouver l'association Noyau dans la prairie toutes les semaines à la Prairie des Filtres avec des soirées feu, jonglage et ateliers à participation libre pour les plus aguerris d'entre vous. Ou sur leur page Facebook et leur adresse mail noyaudanslaprairie@gmail.com. Lou, tu voulais poser une question ? Oui, merci. En fait, j'avais une question... Sans transition. Sans transition, rien à voir, quoique. J'avais une question sur la... Parce qu'on parlait de comment tu produis ton contenu, etc. Et je voulais te demander comment est-ce que ça se passe en amont de rencontrer les gens. C'est-à-dire, une fois que tu as ton sujet, comment ça se passe à ce moment-là ? Est-ce que tu préécris des questions ? Est-ce que tu y vas un peu au feeling quand tu rencontres les gens ? Et après, tu coupes au montage, etc. Ce qui était... pas forcément hyper intéressant et tout. Comment ça se passe avant en fait ? Comment tu t'organises ? En fait, il y a le fait qu'on sache jamais à l'avance exactement jusqu'à quel point les gens vont être accueillants. Ça, on le découvre une fois qu'on y est. Il y a clairement des personnes où on a le sentiment qu'on les gêne, etc. Là, j'ai eu la chance que ce soit pas le cas, où c'était tout à fait accueillant, etc. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, moi, j'aime bien travailler avec une base de questions. Avec peu de questions en fait, mais déjà des questions, ou disons les questions incontournables, les questions où je veux vraiment savoir, là j'ai vraiment besoin d'avoir tel élément, par exemple là c'était le trajet de l'objet, ou des choses sur la réglementation, comment ça fonctionne exactement, le pressure gauge, voilà, l'explication du pressure gauge, c'était quelque chose que je voulais absolument avoir. Et après, à côté de ça, donc une fois que j'ai la réponse à ça, bah, je rebondis par rapport à ce que la personne me dit, et là, j'essaye de faire dans l'échange. Donc il y a une partie, c'est un peu des deux, quoi. C'est un peu écrit, et puis on voit comment ça se passe aussi au moment. Tout à fait. Mais je sais qu'il y a des personnes qui vont sans aucune question écrite. Je sais qu'il y a des personnes qui écrivent absolument tout à l'avance. Moi, je suis encore un peu les deux. Voilà, entre les deux, parce que il y a des éléments où je sais que je vais regretter si je sais que si j'écris rien et que j'y vais comme ça, en sortant je vais regretter parce que je me dis mince, j'ai oublié de... Tu vas peut-être passer à côté de voilà, passer à côté de quelque chose. Donc j'essaye de faire un peu les deux, et ça dépend des sujets. Là je savais que j'étais sur un sujet assez long, donc j'ai écrit plus de questions à l'avance pour vraiment avoir des billes comme ça et puis en fait ça dépend aussi de la personne que tu en fasses, parce que oui, c'est que là on voyait complètement que l'expert que tu as rencontré était très avenant, et il était vraiment, même je pense, passionné aussi par son métier. Ça dépend aussi de la passion de la personne, ce qui va témoigner. Là on voit qu'il t'emmenait un peu partout, c'est assez drôle, voilà, c'est ça que... et puis voilà, oui c'est ça, et puis il avait envie de me montrer ce qu'il faisait, et puis il y a des intervenants plus ou moins bavards, hein, tout simplement. Pour certains il faut même freiner un peu ou essayer de, et puis il y en a d'autres où il faut beaucoup de questions pour relancer sans arrêt. Alors moi, je pour une question en plus, Donc là, on a entendu deux intervenants aussi dans, pendant la vente, des acheteurs. On a entendu un acheteur, oui. Un acheteur, ouais. Et ensuite, je ne sais plus, c'était... Après, c'est à nouveau Frédéric. Oui, Hidot, c'est ou... ça, tout à fait. Et donc, il y avait... Donc, on a un acheteur. Et est-ce qu'il y a des... Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être un peu bizarre comme question, mais j'ai un... peut-être le sentiment que c'est un milieu assez masculin aussi. Et est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Oui, alors moi du coup j'ai vu une seule vente pour le coup, ouais. Mais sur cette vente là dans la quarantaine de personnes qu'il y avait, il y avait très peu de femmes, ce qui m'a moi j'aurais préféré d'ailleurs avoir plus de voix féminines dans, dans le reportage radio final, donc je suis allé chercher ça, un peu plus de parité, mais c'était difficile parce que en fait je suis allé vers des femmes pendant la vente et elles m'ont indiqué qu'elles étaient là avec leur mari et que je devais plutôt adresser mes questions à leur mari. Et effectivement, on peut imaginer que le monde du vin, tout ce qui est à la fois technique, à la fois les négoces également. Voilà. Oui, en plus de ça. On en parlait tout à l'heure en off, mais il y a un rapport à l'argent aussi, moi, que je trouve qui est compliqué. C'est-à-dire quand on est une femme, qu'on dit ouais, c'est pas trop moi qui m'occupe de ça, il y a aussi un rapport à l'argent là-dedans. Quoi. Tout à fait. Mais il y a de toute façon, mais ça c'est dans une société avec des rôles assignés aux ouais. hommes et des rôles assignés aux femmes. Hein, de toute façon, malheureusement, on en est encore là. On le voit encore dans tout ce qui est. C'est comme dans les grandes cuisines des grands restaurants de luxe. Il y a peu de chefs femmes et c'est relatable que ça soit encore très fortement dominé comme ça. Oui, tout à fait. Chers auditeurs, il est l'heure de se quitter. Un grand merci encore à notre invité Hugo Florent. Merci beaucoup. Merci à Lou. Avec plaisir. Et merci à François qui était à la réalisation technique de l'émission. Vous pourrez retrouver le replay de cette émission sur le Mixcloud de Campus FM ou sur la page Facebook de l'émission. Et à la fois prochaine, c'est Anna qui reviendra pour vous étonner encore dans Rien à voir, quoique. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente soirée sur les ondes de Campus FM. À bientôt.